Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL et toujours au 89.1 et on va maintenant complètement changer de sujet pour aborder l'obésité. Alors quand on parle d'obésité, c'est souvent pour nous informer que beaucoup de personnes en sont atteintes et que les conséquences sont nombreuses sur la santé physique. Pourtant, de nombreux préjugés sont véhiculés en lien avec cette condition et on en parle moins souvent. Alors justement, c'est l'occasion, on va en parler aujourd'hui avec Karine Gravel. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Oui, en fait, les personnes obèses sont souvent victimes de stigmatisation en raison de leur poids. Et pour définir un peu là, la stigmatisation, ouais. Quand on parle de ça, c'est qu'on fait référence aux attitudes négatives à propos du poids corporel. Bon, ça peut se manifester de différentes façons, par des commentaires appropriés comme des moqueries, des insultes ou des remarques désagréables, comme par exemple dire d'une personne, ben elle mange du dessert, elle peut bien être grosse, mm-hmm. c'est des remarques comme ça. Ça peut aussi se manifester par de l'exclusion sociale, comme le fait de refuser une personne obèse dans son groupe. Et ça peut même aller jusqu'aux agressions physiques. Ah oui. Ouais. Et pourquoi on s'inquiète de ce phénomène-là? Ben, c'est parce que la stigmatisation peut avoir des conséquences dommageables sur la santé psychologique et aussi physique des personnes obèses. Mmh, c'est ça. Donc finalement, ils souffrent de leurs conditions, bon, de l'obésité, mais aussi des dommages psychologiques. Exactement. Et donc la stigmatisation doit être vécue différemment, j'imagine. D'une personne à l'autre, d'une personne obèse à l'autre? Oui, ben c'est différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes semblent être capables de mieux faire face aux préjugés, alors que pour d'autres, ben s'empêchent carrément de sortir de leur maison parce qu'elles souffrent du regard qu'on pose sur eux. Ouais, sur elles. Donc, les femmes souffriraient davantage de la stigmatisation, ben possiblement, comme on s'en doute, en raison des modèles de minceur qui nous sont présentés, là, qui sont souvent irréalistes. Il existe d'ailleurs une croyance qui dit que si on juge sévèrement les personnes obèses, elles vont se prendre en main, elles vont perdre du poids. Mais dans la vraie vie, puis aussi dans les résultats d'études scientifiques, ben, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc, on a constaté que certaines femmes obèses se consolaient en mangeant sans avoir faim lorsqu'elles étaient victimes là, de stigmatisation. Donc, ça empire finalement. Exactement. Puis le fait de se sentir jugée comme ça, ça peut aussi diminuer la motivation à pratiquer de l'activité physique. Mm-hmm. Donc, par exemple, aller dans un centre sportif de faire moins que les autres. C'est ça, exactement. C'est sûrement difficile à mesurer, mais est-ce qu'il y a des moyens, des données pour évaluer l'ampleur de cette stigmatisation? À quel point ça les affecte? Mais en fait, la stigmatisation du poids, elle est présente dans plusieurs aspects de la vie des personnes obèses, donc auprès de la famille, des amis, au travail, à l'école, puis aussi dans les environnements de soins, dont les services de soins de santé. Donc, la prévalence de la discrimination liée au poids corporel, elle est en augmentation depuis une quinzaine d'années. Donc, ça, c'est à partir de données scientifiques. Là, peut-être qu'en réalité, ça fait probablement plus longtemps que ça. Ouais. Mais cette augmentation-là, depuis une quinzaine d'années, elle peut difficilement être justifiée par l'augmentation des niveaux d'obésité. C'est donc, ce que je me demandais, oui. Ouais. Autrement dit, la stigmatisation, ben, elle augmente plus vite que l'obésité. Et pour refléter à quel point si souffrant d'être stigmatisé, des personnes obèses qui ont participé à une étude ont mentionné qu'elles auraient préféré avoir un poids corporel normal accompagné d'un handicap majeur, comme par exemple la surdité, être aveugle ou avoir une jambe amputé plutôt que d'être obèse. C'est significatif, hein? Tout à fait. Puis ces mêmes participants ont tous rapporté qu'ils auraient préféré avoir un poids corporel normal plutôt que d'avoir une obésité morbide tout en étant multimillionnaire. Donc, obésité morbide, là, c'est comme une obésité massive, là, très importante. Mais finalement, s'il y a une stigmatisation, c'est parce que, bon, il y a le regard de l'autre, peut-être des gens qui sont pas obèses. Est-ce qu'on a identifié finalement les raisons qui expliquent pourquoi des personnes obèses sont autant stigmatisées? Ça se passe peut-être de la part des autres personnes de l'autre partie de la population, je ne sais pas. Il y a la perception des causes de l'obésité qui est une raison majeure qui peut avoir une influence. Donc, il y a plusieurs personnes dans la société qui croient à tort qu'il est facile de contrôler son poids corporel, quand on veut, on peut. Même si en réalité, on sait que l'obésité, c'est une problématique qui est très complexe, qui implique plusieurs facteurs qui vont influencer notre équilibre énergétique. Donc, ça veut dire l'équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Donc, si l'obésité l'obésité est perçue comme une condition dont les causes sont facilement contrôlables par l'individu, ben les personnes obèses risquent davantage d'être tenues responsables de leur état à ce moment-là, puis d'être stigmatisées. Parce qu'on dit, c'est parce que c'est facile à régler, puis elles ne le font pas, donc c'est une mauvaise volonté. Voilà, exactement. Mm-hmm. Mais à l'inverse, les personnes obèses risquent d'être jugées moins sévèrement si les causes qui sont hors de leur contrôle sont reconnues. Par exemple, on va dire, c'est un trouble hormonal ou des prédispositions génétiques. Donc, si on considère aussi ces facteurs-là, les personnes obèses vont être moins jugées, moins sévèrement. Et est-ce que la façon dont on présente les personnes obèses dans les médias peut pas avoir aussi une influence? Ça peut contribuer à favoriser, puis aussi à maintenir la stigmatisation qui est déjà présente. Parce qu'elles sont pas tellement présentées à leur avantage aussi. Puis si on y réfléchit bien, dans les émissions télévisées, les films et les bandes dessinées, les personnes obèses sont souvent montrées comme étant paresseuses. Ouais, c'est toujours un mauvais rôle, finalement. Oui, exactement. Peu attirante, un peu bête, là. Donc, on sait que c'est pas représentatif de la réalité, là. Mm-hmm. Ça correspond pas. Et donc on parle de stigmatisation. Quelles peuvent être les conséquences associées à cette stigmatisation? Les effets sont dommageables sur la santé émotionnelle et psychologique, puis aussi sur la qualité de vie des personnes obèses. Donc, ces effets-là peuvent se traduire par un risque accru de dépression, d'anxiété et même des pensées et des comportements suicidaires plus fréquents. Donc, c'est très sérieux. Puis, on a récemment découvert que le stress engendré par la stigmatisation peut causer des états inflammatoires qui, à leur tour, vont prédisposer à certaines maladies chroniques, comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires. Et donc, à ce moment-là, si on est conscient, parce que on n'est peut-être pas toujours conscient de peut-être que c'est malgré nous, des fois, qu'on stigmatise les gens. Une mauvaise habitude. Si jamais on en prend conscience, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement pour réduire cette stigmatisation des personnes obèses? D'abord, on peut se questionner sur ses propres attitudes, justement, comme tu disais, en prendre conscience. Donc, on peut se demander si on se fie au poids d'une personne pour juger de son intelligence, de ses succès professionnels, de son état de santé ou même de ses habitudes de vie. Donc, il faut se dire qu'en réalité, on perçoit seulement son surplus de poids. Pour le reste, on n'en sait absolument rien. On peut avoir tendance à juger très facilement. Donc, aussi, obésité, ce n'est pas nécessairement synonyme de maladie. On sait que plus on a un surpoids, plus les risques pour la santé sont élevés, mais ça, c'est pas automatiquement comme ça. C'est toujours une notion de risque. Et on peut aussi se demander si on est à l'aise avec la diversité des formats corporels autour de nous. Est-ce que c'est quelque chose qui nous dérange ou si qui peut même nous gêner ou si ça fait pas de différence? Si ça nous dérange, pourquoi? Oui, exactement. Quelle est la vraie raison? C'est vraiment s'interroger soi-même. Oui. Et auprès des organismes de santé et des médias, est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle pour changer un petit peu cette perception? Il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, concrètement, depuis 2010, il existe la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée qui vise, entre autres, à promouvoir une diversité des formats corporels dans les secteurs de la mode, de la publicité et des médias aussi. Puis, du côté des médias, on aurait évidemment avantage à représenter adéquatement les personnes obèses. Donc, ça veut dire de représenter des hommes et des femmes de tous les âges, d'apparence variée, puis avec des différents métiers, des activités, puis des habitudes de vie variées, comme dans la vraie vie. De les montrer, qui mènent leur vie comme tout à fait. Monde, ils ne sont pas juste être obèses. Donc, quand on veut parler d'obésité aussi dans un journal ou une revue, on devrait éviter d'utiliser des photos qui exposent seulement le surplus de poids d'une personne obèse, parce que c'est avant tout une personne, c'est pas seulement de la masse grasse. Souvent, on cible seulement l'abdomen. C'est choquant. C'est vrai. Et si tu avais un mot de la fin, FIN? En fait, l'objectif de ma chronique, c'est pas de faire la morale aux gens, ni de prendre en pitié les personnes obèses, mais à partir des données scientifiques disponibles sur le sujet, puis il y en a de plus en plus, puis aussi avec ce que j'observe dans mon travail de nutritionniste. Tu dois recevoir surtout des gens qui désirent perdre du poids. Ouais. Donc, avec toutes ces observations-là, les préjugés qui sont liés à l'obésité sont trop souvent banalisés. On néglige un petit peu leurs effets, même si on sait qu'ils ont des conséquences négatives sur la santé des personnes obèses, santé psychologique et santé physique aussi. C'est ça. Donc, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé qu'il pouvait y avoir des conséquences psychologiques, finalement. Donc, il y a peut-être un mal-être ou des des conséquences physiologiques de l'obésité, mais il y a aussi des conséquences psychologiques. Oui. Ben, merci beaucoup, Karine, de nous avoir apporté cet autre regard sur l'obésité, bon, les préjugés et la stigmatisation qui en résulte. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et ensuite, ce sera les publicités et on vous reviendra avec la biodiversité marine.